La ruse, une stupéfiante histoire vraie. Nous allons jouer un sale tour pour ridiculiser Hitler. Hitler devra croire que nous voulons envahir la Grèce. Nous allons devoir lui montrer des preuves. De fausses preuves, bien sûr. L'opération la plus ingénieuse des services secrets. Un cadavre portant de faux documents. Il faut commencer par... lui donner un nom. La supercherie qui doit tromper Hitler et changer le cours de l'histoire. Il est impossible de reculer. La ruse, avec Colin Firth, actuellement au cinéma. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est une sombre histoire que je vais vous raconter, Louis XIV et l'affaire des poisons. Si je vous dis Louis XIV, qu'est-ce que cela vous évoque ? La première image qui vous vient sans doute en tête, comme à moi, c'est celle du château de Versailles, grandiose et classique. Ces immenses jardins tirés au cordeau où rien n'est laissé au hasard. Le raffinement des opéras de Lully ou des Alexandrins de Racine. Et bien sûr, le faste d'une cour tout entière consacrée à la gloire du roi Soleil. Oui, il fut sans aucun doute cela, le règne de Louis XIV. Mais on le sait moins, il avait aussi une face souterraine, hideuse, criminelle, sacrilège même. L'affaire des poisons qui fit frémir le royaume de 1679 à 1682 fut une des plus grandes affaires criminelles de tous les temps, aux ramifications si tentaculaires et inattendues qu'elle terrifia la police et le roi lui-même. Elle va nous entraîner dans les bas-fonds de Paris, dans de sombres officines où des pseudo-sorcières concoctaient de vrais poisons à base d'arsenic et de venin de crapaud, dans des chapelles où des prêtres célébraient des messes noires en l'honneur de Belzébuth. Cette folie meurtrière et sacrilège n'épargna aucune classe sociale, pas même la noblesse, pas même la cour de Versailles, pas même l'entourage le plus proche de Louis XIV. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Jean-Christian Petit-Fils, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes historien et écrivain, un spécialiste du règne de Louis XIV, justement. Alors depuis plus de 3 siècles, cette affaire des poisons n'a pas cessé de faire couler de l'encre. On en parle, de nombreux films y ont été consacrés. Vous-même, donc, vous y avez consacré un livre passionnant, L'affaire des poisons, publié chez Timpus, chez Perrin. Pourquoi cette affaire est-elle si fascinante ? Alors d'abord, c'est une affaire immense, vous l'avez vous-même souligné, et tout cela en plein règne de Louis XIV, donc le siècle de la mesure, de l'ordre, de la grandeur, le siècle de Descartes, de Pascal, le siècle des saints, a-t-on dit aussi. Une période aussi de grande dévotion. D'une grande dévotion, et en même temps, on s'aperçoit que dans les bas-fonds de Paris, il y a encore des résurgences du Moyen-Âge, un fond de paganisme, de superstition populaire, mélange de haine, de jalousie, et puis des marchands de filtres, d'onguents, des alchimistes, des filtres d'amour, des chercheurs de trésors, des tireuses de cartes, diseuses de bonne aventure, des avorteuses, des prêtres apostats, des chercheurs de trésors, tout un monde grouillant qu'on imagine n'est pas du tout sous le règne du grand roi, du roi Soleil. C'est tout à fait étonnant. C'est un procès qui a impliqué à peu près 300 personnes, il y a eu 319 décrets d'arrestation, 210 séances d'une juridiction spéciale qu'il a fallu constituer pour juger ces procès, parce que le roi n'a pas voulu faire éclater le scandale. Il y avait déjà eu l'affaire Brinvilliers avant, et là, le roi s'était aperçu qu'au Parlement, tout le monde était au courant, il fallait donc maintenir le secret autour de cette affaire. Et là aussi, vous venez de le dire, implication d'un grand nombre de personnes de la cour. C'est vraiment une affaire passionnante d'un point de vue sociologique aussi. Quand moi j'ai lu les milliers d'interrogatoires, et à travers ces interrogatoires on sent les mentalités de l'époque, on sent vivre ce petit peuple grouillant de Paris. C'est absolument passionnant, mais voilà, donc on a un contraste saisissant, et c'est ça l'essentiel. Alors, dans quelques instants je vais donc raconter cette affaire, mais avant, Jean-Christophe Petit-Fils, pouvez-vous nous planter un peu le décor de ce qu'est la France France et où en est Louis XIV, donc en 1679, quand débute cette affaire? Alors, en 1679, c'est vraiment l'apogée du règne. La France vient d'achever la guerre de Hollande au traité de Nimègue. La France est rayonnante de puissance. On vient d'appeler Louis XIV le grand roi. Et en effet, il l'est pour beaucoup de ses sujets. Il n'est pas encore définitivement installé à Versailles, mais il a déjà annoncé qu'il installerait son gouvernement et la cour au château de Versailles. Le palais est en cours de transformation. C'est seulement en 1682 que la cour va s'installer. Donc on est vraiment au summum, à l'apogée de ce grand règne. Et c'est là qu'éclate cette affaire. Merci. Donc, cette histoire, nous allons la raconter à travers le regard de Louis XIV. À la fin de sa vie, le vieux roi se penche sur cette page douloureuse de son passé. Jean-Christian Petit-Fils, je vous propose que nous nous retrouvions dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Louis XIV et l'affaire des poisons, un texte d'Isabelle Paulin, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisé par Laurence Courtois. Là. Plus près. Ah. Voilà. Et rajoutez donc une bûche avant de sortir. Voilà. Laissez-moi seul maintenant. Ne fait pas bon vieillir. Si on m'avait dit qu'un jour mon plus grand plaisir serait de réchauffer mes pieds enflés devant la cheminée et ce château rempli de courants d'air. Oh, c'est à peine si je peux remuer mes orteils. Cette nuit encore, les douleurs m'ont tenu éveillé. Je ne m'habituerai jamais à la maladie. Moi, le plus grand des rois, réduit à quérir l'aide de mes valets pour me porter près du feu. Il fut pourtant une époque où ma vigueur ne me faisait pas défaut. Les dames se disputaient mes faveurs. J'étais moi-même incapable de maîtriser les passions violentes qui me secouaient. Mais je dois le reconnaître, aujourd'hui, cette vigueur m'a coûté aussi quelques désagréments, comme cette terrifiante affaire des poisons. J'aurais souhaité ne plus me rappeler cette sombre période, mais voilà que la mort de l'araignée vient réveiller des souvenirs enfouis. Finalement, c'est peut-être ça qui m'empêche de dormir. 1709. Louis XIV a déjà 66 ans de règne derrière lui. Définitivement installé à Versailles avec Madame de Maintenon, qu'il a épousée après la mort de la reine Marie-Thérèse, il est maintenant un vieil homme fatigué et usé, qui voit mourir l'un après l'autre tous les témoins de sa splendeur passée. Le récent décès de son ancien lieutenant général de police, Gabriel Nicolas de Larrénie, lui remet en mémoire l'affaire des poisons, une série de scandales liés à des empoisonnements survenus entre 1679 et 1682, qui secouèrent Paris et la cour et donnèrent lieu à une véritable chasse aux sorcières. En réalité, l'affaire avait commencé en 1672, lorsqu'on avait découvert qu'une certaine marquise de Brinvilliers avait empoisonné successivement son père, ancien lieutenant civil du Châtelet, ses deux frères et sa sœur. Après un long procès, elle avait été condamnée à mort et exécutée en place de Grève en 1676. Mais trois ans plus tard, le 12 mars 1679, l'araignée était porteur d'une terrible nouvelle. Louis XIV s'en souvient comme si c'était hier. Eh bien, l'araignée, approchez, ne restez pas planté là. Que vous arrive-t-il? Vous avez l'air tout chamboulé. C'est-à-dire, Majesté, Ça recommence. Je croyais que nous en avions terminé avec ces affaires d'empoisonnement, mais c'est encore pire que tout ce que nous aurions pu imaginer. Expliquez-vous. Je n'ai jamais rien vu de tel. Cette fois, il n'y a pas une, mais 100 Bravilliers. Voyons, vous exagérez, sans doute elles ne peuvent être que quelques marginales. Le bruit courait dans tout Paris que les empoisonnements n'avaient jamais cessé. Je n'y prêtais pas vraiment attention. Jusqu'au jour où l'on m'a rapporté qu'au cours d'un dîner un peu trop arrosé, une certaine Marie Boss s'est vantée de tirer profit de son métier d'empoisonneuse. Une rumeur, sans doute. Vous le savez comme moi, les rumeurs se propagent aussi vite que le feu dans la paille. La nouvelle m'a été rapportée par un de mes hommes en qui j'ai toute confiance. Celui-là même qui avait arrêté la Brinvilliers. D'ailleurs, la sorcière, soumise à la question, n'a pas tardé à avouer. Et même à livrer le nom de ses complices. Je croyais que vous les aviez déjà toutes arrêtées du temps de la Brinvilliers. Ces innombrables lettres de cachet que j'ai signées n'ont-elles servi à rien? Certes, nous en avons fait bon usage, Majesté. Mais la sorcière dénoncée par Marie Boss et que nous venons d'arrêter est d'un autre acabit. Que voulez-vous dire? C'est une diseuse de bonne aventure, mais elle ne se contente pas de prédire l'avenir. Elle vend des poisons qui permettent à ses clients d'exaucer leurs vœux les plus vils. Faire mourir un mari vivant trop longtemps au gré de sa femme. Une mère fâcheuse, une épouse jalouse, un parent riche tardant à mourir. Elle appelle son poison la poudre de succession, capable de provoquer une mort certaine. Ainsi, l'héritage ne se fait plus attendre. C'est horrible. Et comment procèdent ses clients? La poudre peut être versée dans un verre. Mais il semble aussi que l'on puisse en imprégner les habits, ce qui fait mourir en langueur la victime. Et d'une façon qui paraît naturelle. Et personne ne se doute de rien. Des assassinats commis en toute impunité, donc. Précisément. Troisième méthode. Avant un repas avec la personne qu'il veut éliminer, le criminel verse un peu de cette poudre sur la lame d'un couteau, mais uniquement d'un côté. Ainsi, lorsque l'on coupe la tourte ou le gâteau, seule la part en contact avec le poison est mortelle et le reste est intact. De cette manière, l'empoisonneur mange la même chose que sa victime. Et ainsi, il n'est pas soupçonné. Il faut un esprit diabolique pour imaginer pareil subterfuge. Comment se nomme cette sorcière? On l'appelle la Voisin. Sa renommée a dépassé les portes de Paris. Elle serait la sorcière la plus courue de la région. On se presse tant pour la visiter qu'elle est contrainte de diriger certains clients vers des comparses. C'est à peine imaginable. Et qu'avez-vous fait d'elle? Nous l'avons conduite à la prison de Vincennes. C'est ça, je m'en fais. Avec ses 36 complices. 36? Mon Dieu. Je ne peux pas croire que tout Paris s'adonne à la sorcellerie. Les avez-vous toutes interrogées? Ont-elles avoué? Ont-elles livré les noms de leurs clients? Nombreux, eux aussi, sans doute. Eh bien... Allons, la Reynie. Qu'attendez-vous donc parler? Certaines dames de la cour auraient visité la sorcière. Des dames de la cour? En êtes-vous bien sûr? Les empoisonnements ne se limitent malheureusement pas au bas-fond de Paris. C'est pourquoi je m'inquiète pour votre sécurité, Majesté. Alors faites le nécessaire. Les prisons débordent, sire. Et je ne sais comment nous viendrons à bout de tous les procès qui nous attendent. Mais ces empoisonneuses doivent absolument être condamnées. C'est pour cette raison que je vous ai demandé audience. Vous pourriez créer un tribunal particulier qui aurait pour seule mission de juger ces crimes d'empoisonnement. Après l'exécution de la Brinvilliers, j'espérais bien ne plus entendre parler d'empoisonnement. Les poisons me terrifient. Ils sont l'œuvre du diable. La vision de ma cousine Henriette agonisant en criant au poison me hante encore. Ces violentes douleurs au côté, après avoir bu une simple tasse de chicorée, jamais je n'oublierai les souffrances de ces dernières heures. Alors quand l'araignée m'a suggéré de créer un tribunal spécial, je n'ai pas hésité. Le 7 avril 1679, Louis XIV établit une cour de justice extraordinaire spécialement chargée de juger la Voisin et ses complices, la Chambre Ardente, qui se réunit à l'Arsenal près de la Bastille. Ces audiences, secrètes et solennelles, se tiennent dans une pièce tendue de noir et éclairée par des flambeaux qui lui donnent son nom. Elle est composée d'une douzaine de magistrats de haut rang provenant du Parlement de Paris, et l'araignée est en charge des interrogatoires. En cette fin de XVIIe siècle, dans une société française profondément religieuse, le crime de poison est considéré comme le pire de tous, car il a partie liée avec la sorcellerie, l'envoûtement, bref, avec le diable. Les arrestations, les condamnations et les exécutions se succèdent, à commencer par celle de la voisin. Cette veuve, connue dans le quartier de Saint-Denis, lieu de tous les trafics, a fait fortune dans la pratique de la chiromancie, des avortements et dans le commerce de poisons. Condamnée à mort, elle est brûlée vive en place de Grève le 22 février 1680. À la cour, on espère que cette fois, cette maudite affaire touche à sa fin. Mais, 2 mois après l'exécution de la voisin, l'affaire connaît un inquiétant rebondissement. Faut que je parle au lieutenant Larigny. Mais que se passe-t-il ici? Lieutenant Larigny! Calmez-vous, ça suffit maintenant! Lieutenant Larigny, je suis venu vous parler de ma mère. De votre mère, dites-vous? Quel est votre nom? Marie-Marguerite Monvoisin. Je suis la fille de la voisin. Mais n'arrivez-vous pas un peu tard? Ma mère était ce qu'elle était, mais c'est pas juste qu'elle soit seule à payer. Nous avons déjà arrêté bon nombre de ses complices qui subiront le même sort. Je pensais plutôt à ses clientes. Des dames. De grandes dames. Que savez-vous? Ma mère, elle voulait pas que je sois dans ses jambes quand elle recevait, qu'elle disait. Mais moi, j'aimais bien observer les belles robes, les belles toilettes. Jamais je pourrais m'en offrir des pareilles, vous comprenez? Alors parfois, je me cachais dans un recoin derrière la porte, d'où je pouvais observer sans me faire voir. Et qu'avez-vous vu? Il y avait une demoiselle qui venait souvent. Je me souviens bien de sa robe. Une drôle de robe. Une robe à double queue. Vos histoires de toilettes ne m'intéressent guère. C'est-à-dire qu'elle avait l'habitude d'acheter à ma mère des poudres d'amour. Des poudres d'amour? Pour obtenir l'amitié d'un homme. Parlez-moi de ces poudres. C'est votre mère qui les fabriquait? La plupart du temps. Elle connaissait bien les plantes. En broyant certaines d'entre elles après les avoir fait sécher, elle fabriquait une poudre qui avait le pouvoir d'attirer l'amour du plus indécis des hommes. Et que pouvez-vous me dire sur cette demoiselle à double queue? C'est pas pour son compte qu'elle venait chercher les poudres, mais pour sa maîtresse. Une grande dame. Mais que vous n'avez jamais vue, donc? Peut-être. Mais la demoiselle s'est plainte que les poudres ne suffisaient pas. Elle était en colère, sa maîtresse n'était pas contente et prétendait que nous étions que des charlatans. Les filtres n'étaient pas assez puissants, qu'elle disait. Alors, pour la calmer, ma mère lui a proposé... Mais parlez donc, faut-il vous pousser à chaque fois? Oui, je peux bien tout vous dire. Ma mère lui a alors proposé d'avoir recours aux sortilèges. Des sortilèges? De quoi s'agit-il? D'une messe. Une messe? Une messe noire. Vous parlez d'un rite satanique? Mais pour que ça marche, la messe peut être dite que sur la dame. Et j'ai entendu quand ils ont prononcé son nom. Alors? Je sais pas si... Mais parlez, parlez! C'est un ordre. J'ai entendu... Madame de Montespan. Regard azur, teint d'albâtre et cheveux blonds, Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, plus connue sous le nom de Madame de Montespan, était considérée comme l'une des plus belles femmes de la cour. Intelligente, cultivée et spirituelle, elle était en outre issue d'une des plus illustres familles françaises. Toutes les qualités pour devenir, dès 1667, la favorite officielle du roi, à qui elle donna 7 enfants, dont 6 furent légitimés. Elle régna 10 ans sur le cœur du roi et sur la cour où elle était surnommée la sultane reine. Athénaïs impliquée, non, ça je ne pouvais y croire. Oh, à cette époque j'en avais des maîtresses, pas une femme ne me résistait. Les grandes, les blondes, les petites, les brunes, oh, il me les fallait toutes. Athénaïs avait quelque chose en plus, elle était belle bien sûr, très belle même. Mais elle avait aussi beaucoup d'esprit. Et Quelle fougueuse amante. Oh. Mais j'y repense. Le jour où elle a fait ravager l'appartement d'Angélique de Fontange par deux ours que je lui avais offerts. Jalouse, certes, elle l'était. Et capable aussi de cruauté. Mais de là à commander des messes noires. En juin 1680, l'araignée fait arrêter un ancien prêtre, l'abbé Guibourg, qui est très vite interrogé et soumis à la question, c'est-à-dire à la torture. Avec un tel traitement, les aveux réels ou supposés de l'abbé Guibourg ne se font pas attendre longtemps, pour la plus grande stupeur de l'araignée. Je vous en conjure. Êtes-vous prêt à avouer? Oui, tout ce que vous voudrez, mais ça suffit, arrêtez, je vous en supplie. La vérité suffira. C'est vrai, j'ai fait commerce avec la voisine. Elle m'adressait certains de ses clients. Il voulait de la poudre de succession. Nous y voilà. Des poisons? Des poisons. Oui. Oui. Quelle sorte de poison? De l'arsenic. Parfois du vert-de-gris. Ou bien de la liqueur de ma propre fabrication. Je me suis laissé dire que vous vous étiez livré chez la voisine à quelques séances de maléfices, de sortilèges. Ou je ne sais quelles autres diableries. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Apportez l'eau. L'abbé a besoin qu'on lui délie la langue. Non. Non, pitié. Non. Non. Ah, la mémoire vous revient-elle? Ah. C'est-à-dire, ces dames étaient exigeantes. Et leur demande, incessante. Parlez sans détour, ou je vous rafraîchis le gosier. Non, non. Je vous en supplie. C'est vrai. Je me suis livré à une messe noire, mais une seulement. Je ne voulais pas. J'ai été forcé. Une messe noire? Ainsi, la fille, mon voisin, n'avait pas menti. Comment cela se passait? Allez, racontez. C'était une nuit sans lune. Dans la chapelle du château de Villebouzin, entre Paris et Orléans. Un château isolé, au milieu d'un immense parc. La voisine avait accroché des tentures aux fenêtres pour s'assurer de n'avoir aucun témoin. De la malle que j'avais apportée, j'ai sorti le calice en argent, ainsi que les cierges noirs, fabriqués avec de la graisse de pendu. J'ai revêtu une chasuble blanche, brodée de pommes de pin noir. Puis nous avons entendu les chevaux. Une calèche approchait. On frappa quelques coups timides. Le voisin a tiré la vieille porte et la dame est apparue. Une longue cape noire lui cachait le visage. Mais les pans de sa robe qui dépassaient laissaient penser qu'il s'agissait d'une dame de la noblesse. Avancez, madame. L'abbé Guibourg vous attend. Personne ne peut nous voir, vous en êtes certain? Nous avons pris toutes les précautions. Alors faisons vite. Ne craignez rien. Avancez. Là. Maintenant, déshabillez-vous, s'il vous plaît. Nu? Oui. Sauf la coiffe. Étendez-vous sur les dalles. C'est froid. Mettez vos bras en croix. Gibor, les cierges. Mettez-en un dans chacune de ses mains. Voilà. Couvrez son visage. Bien. Le calice maintenant. Entre les seins. Et déposez le crucifix sur le ventre. Faites vite. Tout est prêt. Gibor. Répétez après moi. Je demande l'amitié du roi. Je demande l'amitié du roi. Que la reine soit stérile. Que le roi quitte son lit et sa table pour moi. Que j'obtienne de lui tout ce que je demanderai. Que la reine soit stérile. Que le roi quitte son lit et sa table pour moi. Que j'obtienne de lui tout ce que je demanderai. Et que, la reine étant répudiée, je puisse épouser le roi. Et que, la reine étant répudiée, je puisse épouser le roi. Et maintenant, l'offrande. La voisin, allez chercher le nourrisson. Astaroth, Asmodée, prince d'amour, je vous conjure d'accepter le sacrifice de cet enfant. Selon la légende, un nouveau-né était sacrifié et son sang recueilli dans le calice. Lors de son arrestation, la voisin aurait avoué qu'elle avait brûlé dans le four ou enterré dans son jardin les corps de plus de 2500 enfants nés avant terme. Toutes ces rumeurs d'enfants disparus dans Paris, ainsi c'était donc vrai. Mais ce n'était pas moi, c'était la voisin. Soyez-en sûr, Gibor. Vous rejoindrez bientôt votre complice en enfer. Je vous en prie. Je ne voulais pas. Quand cette cérémonie s'est-elle déroulée ? 1667. En 1667, il y a 13 ans. Mes souvenirs me trompent parfois. Peut-être que c'était en 68 ou en 75. Son nom. Son nom. Je ne comprends pas que. Son nom, Gibor. Donnez-moi le nom de votre cliente. Celle qui vous a rejoint en pleine nuit, dans un château isolé. Mais je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue, je vous l'ai dit. Ne mentez pas, Gibor. Donnez-moi le nom de cette femme. Qui n'a pas hésité à faire sacrifier un enfant. Ses coiffes recouvraient son visage. Je ne peux pas... Parlez. C'était... Gibor. Madame de Montespan. Dis-moi, laisse penser. Des messes noires. J'en frémis encore. Mais Athénaïs, non. C'est étrange, ce sorcier se souvenait au mot près de cette messe noire, mais était incapable d'en donner la date précise. Et comment Athénaïs aurait-elle pu souhaiter que je l'épouse, puisqu'elle était elle-même déjà mariée ? C'était à n'y rien comprendre. Non, je J'en étais de plus en plus persuadé, il ne pouvait s'agir que de mensonges. Guibourg accusait Madame de Montespan, mais après tout, avait-il vu son visage? D'après ses propres dires, la pièce était très sombre, et le visage de sa cliente couvert de coiffe alors. Pourtant, Marie-Marguerite Monvoisin et l'abbé Guibourg ne sont pas les seuls à accuser Madame de Montespan. Depuis 1679, Louis XIV a une nouvelle maîtresse, la jeune Angélique de Fontanges. À l'automne 1680, une certaine Françoise Philastre, elle aussi jugée dans l'affaire des poisons, accuse Madame de Montespan d'avoir tenté d'empoisonner sa rivale, Angélique. Mais ces accusations ne sont pas prises au sérieux, d'autant que la Philastre se récuse avant de monter au bûcher, prétextant n'avoir avoué que pour échapper à la torture. Mais quelques mois plus tard, dans la nuit du 27 au 28 juin 1681, Angélique de Fontanges décède, victime de forte fièvre. Compte tenu du contexte, sa mort est immédiatement suspecte. A-t-elle été empoisonnée? L'araignée décide d'en avoir le cœur net. Vous me dérangez, je suis en deuil. Veuillez me pardonner, Majesté, mais j'ai des nouvelles que je dois porter de toute urgence à votre connaissance. Faites. Après la mort de Mademoiselle de Fontanges, je dois reprendre en considération les aveux de la Philastre. Ne s'est-elle pas rétractée? Nous aurions peut-être dû l'écouter lorsqu'elle a déclaré que quelqu'un cherchait à empoisonner la jeune duchesse. Angélique était de santé fragile. Ses suites de couches ont été difficiles. Vous apprécierez sans doute de savoir que j'ai retrouvé la demoiselle à double queue dont nous avait parlé la fille mon voisin. Cette suivante, qui visita régulièrement sa mère pour le compte de sa maîtresse. Vous l'avez retrouvée? Il s'agit de Claude de Vin-des-Œillets. Je l'ai confrontée à la fille de la voisin, ainsi qu'à l'abbé Guibourg. Alors? Tous deux l'ont reconnue. Je commence à comprendre ce qui s'est passé. L'araignée ne peut devant le roi accuser directement celle qui fut son ex-favorite et demeure la mère de plusieurs de ses enfants. Mais le lieutenant de police a toutes les raisons de croire que Madame de Montespan a ordonné à sa suivante, Claude de Vin-des-Œillets, de se rendre en secret chez la voisine, au moins une fois. Claude, je sais que je peux te faire confiance. Tu dois faire ça pour moi. C'est-à-dire, je ne sais pas. C'est très important. Le comprends-tu? Et je saurais me montrer reconnaissante. Mais madame, n'est-ce pas dangereux? Pas du tout. Que vas-tu imaginer? C'est que je n'ai pas l'habitude de traîner dans les bas-fonds de Paris. Qui te parle de traîner? Mon cocher t'y conduira et te ramènera dans l'heure. J'y serais bien allée moi-même, mais les quatre gardes que le roi a affectés à ma sécurité me suivent comme mon ombre. Je crains qu'ils ne filent ensuite lui répéter mes moindres faits et gestes. Remets cette bourse pleine à la voisin. Et en échange, elle te remettra une fiole que tu me rapporteras sans attendre. Surtout, prends-en grand soin. Une fiole? De quoi s'agit-il? Mieux vaut que tu n'en saches rien. Va vite. Pour l'araignée, Mademoiselle des Œillets s'est contentée d'obéir aux ordres de sa maîtresse. Mais les choses se sont-elles réellement passées ainsi? Ainsi, les sorciers ont reconnu la désœillée. Mais elle a-t-elle avoué? Malheureusement, non, Majesté. La bougresse prétend qu'il s'agit sans aucun doute d'une personne qui lui ressemble. Elle dit que ces sorciers qu'elle n'a jamais vus doivent la confondre. Eh bien, vous voyez, j'ai bien peur que, pressé de l'appréhender, vous n'ayez fait erreur. À moins que, par fidélité et loyauté, elle n'ait pas voulu impliquer sa maîtresse. Puisqu'elle vous dit que vous faites erreur, vous devriez abandonner cette piste, l'araignée. Mais je suis inquiet, Majesté. Je crains pour votre sécurité. Si quelqu'un de mal intentionné parvenait à vous approcher... Mademoiselle de Fontanges n'est plus, et c'est bien triste. Mais sa mort n'a rien à voir avec un quelconque empoisonnement. Pour s'en assurer, il y aurait bien une solution. Laquelle? Ordonner son autopsie. Heureusement, les résultats de l'autopsie conclurent à une mort naturelle. Je n'ai jamais cru aux soupçons qui pesaient sur Athénaïs. Elle était toujours très entourée à la cour, aussi bien par les courtisans que par les gardes qui assuraient sa sécurité. Comment aurait-elle pu se rendre chez la voisine sans que cela se sache ? Toutefois, si le nom de la Montespan avait été rendu public, le scandale aurait éclaboussé toute la cour. Je ne pouvais pas l'accepter. En mettant en cause la Montespan, l'affaire des poisons était en train de prendre une toute autre dimension. Elle atteignait le cœur même de l'État. La Reynie imagine alors une échappatoire que le roi accepte immédiatement. Tous les documents où apparaît le nom de la favorite de Louis XIV, et qu'on appelle pudiquement les faits particuliers, sont retirés de la procédure. Mais cela ne suffit pas. Le roi ordonne que la chambre ardente soit suspendue sur le champ et que soient scellés tous les documents concernant l'affaire. En juillet 1682, la chambre ardente est officiellement dissoute après avoir auditionné 442 accusés, ordonné 319 prises de corps, rendu 104 jugements, dont 30 acquittements, 36 condamnations à mort, 34 bannissements du royaume ou amendes et 4 condamnations aux galères. Tous les documents concernant l'enquête sont scellés et le rideau tombe enfin sur l'affaire des poisons. Mais, début août, Louis XIV se rend en toute discrétion à Paris, dans un hôtel particulier de la rue Montmartre. Que va-t-il faire chez Claude Devin des Œillets, la fameuse demoiselle à double queue ? Majesté, votre visite est pour moi un tel honneur. C'est un bonheur de vous recevoir en ces lieux. Louise ? Louise ! Viens voir ton père qui nous fait la surprise de nous rendre visite. Non, attendez. Nous ne préférons pas. Ah si ! Vous devez la voir. Vous serez surpris de constater comme elle a grandi. Elle vient d'avoir 6 ans. Elle n'entend pas. Elle doit être occupée. Vous savez comment sont les enfants. Je vais aller la chercher. Vous allez voir comme elle vous ressemble. Restez. Ce n'est pas pour cette raison que nous sommes ici. Pourquoi êtes-vous venu alors ? Nous nous sommes laissés dire que vous aviez été interrogé par la Reynie. Mais il faisait erreur. C'est ce que je lui ai dit. Et que je lui redirai s'il m'interroge à nouveau. Ces gens qui soi-disant m'ont reconnu, je les voyais pour la première fois. Il les est venu aux oreilles que vous auriez de sombres desseins envers notre personne ? Mais puisque je vous dis que ce n'est pas moi... Nous sommes venus vous faire une proposition. Nous veillerons à ce que votre fille... Notre fille. Nous veillerons à ce que Louise reçoive une éducation décente. Mais je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Ce que la Reynie ignorait, c'est que Claude Devin des Œillets était la maîtresse cachée du roi depuis le début des années 1670. À cette époque-là, elle était la suivante de Madame de Montespan. Elle n'était pas particulièrement belle, mais Louis XIV se retrouvait souvent seul avec elle lorsque la Montespan était occupée ou souffrante. Elle tomba enceinte en 1676. Alors, la des Œillets a-t-elle cherché à empoisonner la Fontange pour en faire porter la responsabilité à la Montespan ? Ou bien aurait-elle agi dans le but de faire reconnaître sa fille par le roi ? Impossible de savoir, puisque la vérité a disparu dans les flammes, tout comme les sorcières de l'affaire des poisons ont brûlé au bûcher. Le 13 juillet 1709, Louis XIV ordonne de faire brûler les 29 gros paquets de divers registres, procès-verbaux et rapports de police. Il nous reste néanmoins des traces écrites grâce aux copies des actes détenus par la Reynie et par la magistrature de la Chambre Ardente qui ont permis aux historiens de reconstituer cette affaire d'État, même s'il subsiste certaines zones d'ombre. La Désœillée a eu plusieurs valets pour amants. Je suis sûr que l'un d'entre eux était le père de sa fille. J'ai bien fait. J'ai tenu la parole que je lui avais donnée ce jour-là. J'ai veillé à ce que Louise soit élevée avec soin, même si je n'ai jamais souhaité la revoir. En tout cas, cette histoire a freiné mes ardeurs. Et à la mort de Marie-Thérèse... J'ai épousé la pieuse Madame de Maintenon. Nous formons maintenant un vieux couple. J'ignore ce qu'elle sait de l'affaire des poisons. Se doute-t-elle de quelque chose? En tout cas, elle ne m'a jamais rien dit. Aujourd'hui, tous les témoins de cette vilaine affaire sont morts. Il est de mon devoir de faire disparaître toute trace. Cette affaire doit rester dans un éternel oubli. Au feu! L'affaire des poisons de Isabelle Paulin, avec Jean-Gabriel Norman, Louis XIV, Patrice Bornand, l'Araignée, Sarah-Jeanne Driot, Marie-Marguerite, mon voisin, Marc Barbet, l'abbé Guibourg, Sandra Veloccia, la voisin, Christina Crévillant, Madame de Montespan, Caroline Breton, Claude Devin des Œillets. Bruitage, Sophie Bissantz. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort et Lidouine Caron. Assistant à la réalisation, Félix Levacher. Réalisation, Laurence Courtois. Vous écoutez Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, la suite de mon entretien avec Jean-Christian Petit-Fils sur l'affaire des poisons. Minuit, soleil, tête sur la vitre, j'ai pas sommeil. La city dort depuis 6 mois. Tu sais vraiment n'importe quoi ce qu'on vit, dis-moi, minuit, Marseille. Je voudrais bien que la vie se réveille, qu'elle remplisse tout d'un feu grisant, qu'on n'entende que les pneus qui crissent, la vie reprend. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà, sans les rayons. Sur l'oreiller, et moi je me retiens encore une fois de pleurer. Minuit, pareil, que les chiens qui se la coulent belle. 18 carats sur le collier, et la même envie insoutenable de s'évader. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà, sans les rayons gamma. Alors, si on changeait. Rayon Gamma par PR2B sur France Inter. Autant en emporte l'histoire est réalisé par Michel Billou, assisté de Christiane Alain Favre. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Dimitri Gronoff. Alors Jean-Christian Petit-Fils, vous connaissez très bien cette histoire, l'affaire des poisons. Vous êtes plongé dans tous ces documents, toutes ces archives. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui le fin mot de l'histoire? Ou est-ce qu'il reste une part de mystère? Alors, il reste une part de mystère. On connaît quand même une bonne part des événements et on peut s'interroger sur la culpabilité de Madame de Montespan. On peut dire d'abord, il y a un point intéressant à signaler, c'est donc que Louis XIV, quand il a entendu toutes ces révélations par le magistrat instructeur qui était Larigny, il a immédiatement fait arrêter la procédure de la chambre de l'arsenal, qui était déjà une procédure extraordinaire. Et il a été décidé que tous ceux qui avaient parlé de Madame de Montespan ne seraient pas déférés devant le juge, puisque tout ça, ça se passe au niveau de l'instruction. Les juges donc n'entendront jamais parler de Madame de Montespan. On reprendra les procès de ceux qui n'ont pas parlé de Madame de Montespan. Ils seront exécutés, ils seront libérés en fonction des décisions de justice. En revanche, tous ceux qui ont prononcé le nom de Madame de Montespan, parlé des messes noires, parlé des sortilèges, tout cela vont être enfermés, l'abbé Guibourg, la fille, mon voisin, et puis quelques autres aussi, dans des citadelles de province, Belle-Île-en-Mer, Salles, Besançon, Villefranche-de-Conflans, où on voit encore d'ailleurs leurs prisons. Ils sont enchaînés à la muraille, dans des conditions atroces. Ils ont passé là 10, 15, 20 ans, 30 ans même. Et des instructions spéciales ont été données au gouverneur des citadelles pour leur faire que jamais personne ne puisse entendre, je cite, « les sottises qu'ils pourraient crier tout haut, leur étant souvent arrivé d'en dire, touchant Madame de Montespan, qui sont sans fondement ». Donc, il ne fallait pas dire la vérité, on si étouffe, pour autant que c'était la vérité. Oui. Alors, aujourd'hui, l'historien s'interroge, quel est le degré de culpabilité de Madame de Montespan? Est-ce que c'est plausible, donc, pour vous, qu'elle ait pu attenter à la vie du roi? Alors, je crois qu'il faut distinguer quatre points. Ouais. Premier point, elle s'est adonnée, on en a une certitude, par un procès antérieur de 1668, donc au moment où elle était juste la maîtresse du roi, mais elle n'était pas la grande favorite, à des cérémonies magiques, à des sortilèges, des lectures d'évangiles sur sa tête, on enterre des cœurs de pigeons pour obtenir la mort de Mademoiselle de Lavalière, qui est la rivale en titre. Ça, c'est une certitude. Deuxième point, elle a très certainement fait absorber par le roi des aphrodisiaques, au moment où son pouvoir sensuel commençait à diminuer, que le roi avait une frénésie de la quarantaine et courait après toutes les jeunes femmes de la cour. Elle lui a donné des aphrodisiaques, et on sait d'ailleurs par les des aphrodisiaques qui évidemment n'avaient aucun effet, j'imagine. C'est ça, c'est des mouches cantharides, c'est des choses absolument, ce sont des presque des poisons, et on le sait par les journaux des médecins du roi. Le roi a des éblouissements, le roi a des troubles gastriques. Voilà. Troisième point, est-ce qu'elle a dit fait dire des messes noires? Est-ce qu'elle a été servie d'hôtel à ces abominations? Là, il y a un doute. On n'a pas du tout de certitude. Guibourg, qui est un personnage très suspect, où se mélangent les dates, parle de 3 ans, de 5 ans, de 7 ans, de 12 ans. Le pacte qu'on cite au cours de cette dramatique est authentique, mais il est totalement ridicule. On n'imagine pas que Madame de Montespan puisse épouser le roi. C'est ce que dit Louis XIV lui-même. Voilà. Donc là, il y a quand même un doute. Il y a eu quand même des pratiques qui ont eu lieu, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, avec des sacrifices d'enfants et des abominations. Et puis, alors, dernier point, est-ce qu'elle a voulu empoisonner Louis XIV dans un moment de dépit amoureux, Louis XIV et sa jeune maîtresse, Mademoiselle de Fontanges? Là, la réponse est non, puisque au moment où il y a eu une tentative d'empoisonnement contre Mademoiselle de Fontanges, eh bien, Madame de Montespan n'était pas encore au courant de la liaison du roi avec cette jeune Auvergnate qui était arrivée, qui était une beauté éblouissante et qui supplantait Madame de Qui a fait l'objet d'ailleurs d'une fiction dans cette émission. Voilà, donc, probablement qu'il y a un rôle trouble, souligné par cette dramatique, joué par Mademoiselle Desœillets, qui a été une petite maîtresse du roi, qui a eu un enfant non reconnu, et d'après certaines déclarations, elle aurait eu un amant qui est un Anglais très riche, un Milord anglais, et il était question de lui donner 100 000 livres, de quitter la France, d'aller en Angleterre, après l'empoisonnement du roi. Donc, il est possible qu'elle ait voulu l'empoisonnement du roi, qu'elle ait fréquenté longtemps les sorcières, d'abord pour le compte de Madame de Montespan, et puis, ayant quitté son service en 1677, eh bien, qu'elle ait travaillé pour son propre compte. Eh bien, voilà les hypothèses actuelles. Alors, quand on parle histoire politique ou histoire militaire, les personnages sont toujours ou presque masculins, mais là, soudain, dans cette affaire de poison, on voit surgir de l'ombre des femmes du peuple, des femmes de la noblesse. Comment expliquer cela? Est-ce que le poison serait une affaire de femmes? Jean-Christian, alors, probablement, éclairez-nous. Non, on peut pas dire cela. Mais on peut dire que c'est très certainement la condition féminine aussi qui influe sur cela. Les mariages organisés, donc des femmes qui veulent se débarrasser de leur mari. La femme adultère, elle, risque une réclusion dans un couvent. Elle est rasée, on l'envoie à l'hôpital général, alors que l'homme adultère, lui, n'a pratiquement pas de condamnation. Donc, il y a une condition féminine, et puis il y avait donc une prolifération de femmes, de diseuses de bonne aventure, cherchant à gagner de l'argent, à arrondir leur fin de mois, des petits marchands de quatre saisons qui connaissaient des adresses. La voisine avait un carnet d'adresses phénoménal. Elle connaissait 300-400 personnes qui, dès qu'on avait besoin de quelque chose, de chercher un trésor, de faire de l'alchimie, elle connaissait parfaitement tout ce monde. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Et il y a eu aussi des hommes qui ont participé à ces cérémonies. Un amant de la voisine qui s'appelait Le Sage, il y avait l'abbé Guibou, mais il y a eu d'autres prêtres apostats aussi qui ont été mêlés à cette affaire. Alors, autre chose étonnante dans cette histoire, il me semble, Jean-Christian Petit-Fils, c'est à quel point la justice et la police sont démunies tout de même. Parce que comment sait-on qu'il y a eu empoisonnement à cette époque-là? Les autopsies ne permettent pas de déceler l'arsenic. Ah oui, alors la science toxicologique est balbutiante à cette époque. Impossible de déceler une trace de poison dans un corps quand on fait une autopsie. L'arsenic est très utilisé à cause de ça. Parce que, et puis c'était une poudre qu'on trouve partout, vous voilà, dites. Voilà, puis alors, utilisé à petite dose, ça permet de prolonger la victime, montrer que il est très malade, l'homme est très malade. On mettait de l'arsenic sur les chemises. En général, c'était les femmes qui faisaient ça pour leur mari. Et les maris avaient on avait l'impression que les maris avaient des maladies honteuses. Et donc, ça en plus condamnait l'homme et en même temps sa réputation. Mais il y avait d'autres, il y avait du sublimé, il y avait des poudres de diamants. Mais ça, c'était un peu cher. Et d'autant plus que c'est comme du carbone pur, ça n'avait pas tellement d'effet. Oui, il y avait des poisons végétaux, de l'opium, de l'ivraie, de la ciguë, de la belladone, des poisons animaux, donc des cantharides qui servaient aussi d'aphrodisiaque, mais du venin de vipère, des poudres de crapaud. Puis il y avait le poison des Borgia aussi, où on prenait un crapaud, on le bourrait d'arsenic ou de vert-de-gris, et puis tout ce qui est les liquides provenant de la putréfaction étaient évidemment avaient une nocivité renforcée. Donc voilà la recette des Borgia. Vous donnez aussi des listes de remèdes qu'on donnait à l'époque, parce que les sorcières, elles étaient là pour trouver des empoisonnements, mais elles étaient là aussi pour soi-disant guérir. Vous donnez quelques exemples: de la fiente de pan contre les hémorroïdes, de l'huile de fourmi contre la surdité, du sperme de grenouille contre les vomissements. Vraiment être très démuni pour avaler tout ça. Et puis, autre point, la justice quand même. On est dans une justice où beaucoup d'aveux sont extorqués par la torture. Que valent ces aveux, justement? Voilà. Et puis, il faut dire aussi que les prisonniers ont eu la possibilité, quand ils étaient enfermés soit au château de Vincennes, soit à la Bastille, de communiquer entre eux. Alors, par des systèmes très, très faciles en prison, où se passaient des billets. Donc il a pu y avoir une concertation pour charger Madame de Montespan sur certains faits qui sont douteux. Ils avaient tout intérêt, évidemment, à accuser Madame de Montespan. Enfin, intérêt, j'en sais rien, parce qu'ils ont échappé à la mort, mais c'est une mort lente qui a été abominable pour eux, puisque, comme je le disais, certains sont restés 20, 30, 40 ans, même, la dernière a été 40 ans, enfermés, enchaînés dans des prisons. Il y en a une prison, une cellule à Belle-Île, où il n'y a même pas une fenêtre. Donc c'est quelque chose d'atroce. On imagine à peine ce supplice. Merci beaucoup Jean-Christian Petit-Fils de nous avoir éclairé sur cette histoire, cette sombre histoire. Je recommande vivement la lecture de votre livre « L'affaire des poisons » disponible chez Perrin dans la collection de poche Tempus. Je signale également une nouvelle édition de votre biographie de Louis XIV parue chez Perrin en 2021. La fin pour cette semaine d'Autant n'emporte l'histoire. Cette émission, qui était en nouvelle diffusion, vous pouvez la podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous parlerons de Gisèle Halimi, la célèbre avocate qui fut de tous les grands combats féministes. Nous reviendrons sur son enfance en Tunisie, quand la petite fille, à 4 ans, se révolte contre l'injustice faite aux femmes. Face à un père qui ne voulait pas de fille et une mère qui ne l'aimait pas et ne voyait d'autre avenir pour elle que la soumission, elle a décidé qu'elle voulait changer le monde. Gisèle Halimi, la jeune fille insoumise, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire.